Je claque des dents, je claque des doigts. Quand je me noie dans la glace, je remets ça. Quand je la vois, je casse la glace. Je me casse les dents, je me casse les doigts. Quand je la vois, je bois ma tasse, je remets ça. Quand je la vois qui se casse, je me voile la face, je me casse la voix. Quand je me vois dans la glace, je remets ça. Quand je la noie dans la glace, c'est dégueulasse, je fais la grimace. Quand je la casse, ça se tasse, je remets ça. La voix qui se casse, je fais la grimace, je claque des doigts. Quand je me noie dans la glace, je remets ça. Quand je la vois, je casse la glace, c'est dégueulasse, je me casse les doigts. Quand je la vois, je me casse. Plus jamais ça.